Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes rendus à la fin de notre livre de l'Apocalypse. Nous sommes au dernier vidéo et nous allons commencer par la prière si vous le voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes tellement reconnaissants de ce que ce livre peut produire en nous, produire la persévérance et l'adoration. Seigneur, tu as atteint ton but avec nous pendant ces quelques mois. Tu nous as emmenés à l'adoration. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Ton plan est merveilleux. L'avenir est merveilleux pour tes enfants, car ils seront tes serviteurs à jamais. Guide-nous ce matin, encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Nous allons tout de suite lire le texte et on va relire à partir du verset 6, malgré que nous allons méditer seulement à partir du verset 11, mais on va lire à partir du verset 6 jusqu'à 21. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange et qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un le retranche, quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Les paroles de ce livre sont véritables et sont certaines. Donc, à cause qu'ils sont véritables et certaines, on peut appuyer nos vies dessus. On peut ancrer nos vies dessus. Parce que c'est ils sont véritables et certaines parce qu'ils nous viennent de Dieu. Et au verset 10, l'ange dit à Jean, ne scelle point les paroles de ce livre. Daniel avait été dit de sceller. Jean a été dit de ne pas écrire les paroles des sept tonnerres. Mais ici, il dit, ne scelle pas le livre. Quand on scelle un livre, c'est parce qu'on veut que le contenu ne soit pas lu. Comme on a vu que Jésus a pris un livre à sept sceaux. Et les sceaux empêchaient de lire le livre. Mais quand les sceaux ont été enlevés, on a pu lire le livre. Il dit, ne scelle pas le livre. Parce qu'il doit être lu. Je vous encourage, frères et sœurs. Quand vous trouvez que la vie chrétienne est difficile, quand vous perdez de vue la raison d'être de tout cela, relisez les livres de l'Apocalypse. Ça va vous redonner la raison d'être de tout cela. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue? Il dit, ne les scelle pas. Là, il dit la première raison, il dit, car le temps est proche. Il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de fois, 10 et 15 fois, hein, que le mot proche et bientôt vient dans ce livre-là. Ici, on l'a au verset 6, doivent arriver bientôt, ne scelle pas parce que ces choses sont proches. Il dit au verset 7, et voici, je viens bientôt. Au verset 10, c'est proche. Ensuite, ça, au verset 12, il dit, je viens bientôt. Et au verset 20, il dit que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt que ça va arriver. Et on se dit, bientôt. 2000 ans pour nous, ce n'est pas un qualificatif pour le mot bientôt. Hein? On n'utilise pas bientôt pour 2000 ans. On dit bientôt, c'est quasiment aujourd'hui. Bientôt, ça dépend comment, à quoi est-ce que je fais allusion. C'est bientôt si ça va durer 1000 ans. Puis là, je dis, ça va être bientôt, ça peut être quelques années. Hein? S'il dit que c'est l'éternité et que c'est ça, je vais arriver bientôt, ben bientôt, 2000 ans dans l'éternité, c'est bientôt. Le mot bientôt prend son sens dans la longueur du tout. OK? Ou le mot pourrait être traduit promptement, vitement. Quand ces choses-là vont commencer, ça va aller vite. Ça va se passer vite. Mais il dit, je viens bientôt. Bientôt. Paul a dit que c'était bientôt. Pierre a dit que c'était bientôt. Je dis que c'est bientôt. Nous disons que c'est bientôt. Bientôt. Et à cause que c'est certain, et à cause que c'est bientôt, il y a trois, quatre petites choses qu'on devrait retenir avant de terminer. J'ai appelé ça par des mots qui finissent en ion. La continuation au verset 11. Il dit, continue dans l'état que tu es présentement. Ici, au verset, il dit que l'injuste continue à être injuste et que le soulier continue à se souiller. Il n'est pas en train d'encourager les gens à se souiller. Mais il dit, maintiens ce que tu as. Maintiens ce que tu continues. Si tu veux continuer dans l'abomination, continue dans l'abomination. Mais si tu veux continuer dans la justice, continue dans la justice et dans la sainteté. Continue, persévère. J'espère que je l'ai dit assez souvent depuis le début. Persévérons. Persévérons. Car ces choses vont venir bientôt. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Continue à faire ce que tu fais, à croire en Jésus. Ensuite, il dit au verset 12, la rétribution. Il dit, je viens bientôt avec ma rétribution. La rétribution va avoir deux volets. Il va rendre à chacun selon son œuvre. La première, c'est que si tu persévères à laver ta robe dans le sang de l'agneau, tu vas avoir droit à l'arbre de vie qu'on a vu hier, qui est dans la nouvelle ville, et tu vas avoir droit d'entrer dans les portes de la ville. Donc, tu vas avoir accès à la présence de Dieu, tu vas avoir accès à la nouvelle Jérusalem, tu vas faire partie de la nouvelle Jérusalem. Tu vas avoir droit au nouveau ciel, nouvelle terre. Mais, si tu continues dans ton injustice et dans ta souillure, tu vas être dehors. Au verset 15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, celui qui pratique l'injustice et la souillure, il va être dehors. En dehors de quoi? Dehors du nouveau ciel, nouvelle terre. Dehors de la nouvelle ville. Dehors de la présence de Dieu. Il va être dans l'enfer avec la bête, le faux prophète et tous les damnés. Donc, il dit, lâche pas, continue, car je viens bientôt. Je viens bientôt avec ma rétribution. Il dit maintenant, il dit, à cause de l'invitation, à partir du verset 16 et 17, le mot vient là est répété continuellement. Il dit au verset 17, l'esprit et l'épouse dit viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Donc, viens, dit-il. Il y a une invitation de la part de qui? De la part de celui qui est le rejeton et la postérité de David. Celui qui est l'étoile brillante du matin. Jésus, verset 16. Il dit, je t'invite, viens, viens pendant qu'il est encore temps. Viens pendant que l'invitation subsiste. Parce qu'il y a un temps que l'invitation va arrêter. Il ne dira plus, viens. Mais aussi longtemps qu'il est dit, viens, saisis l'occasion. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, si tu n'étais pas repenti. J'espère que tu as compris. Qu'est-ce que c'était vraiment la repentance? Ce n'est pas de reconnaître que tu es pécheur. C'est de reconnaître que tu es une créature rebelle, injuste, abominable, idolâtre, qui s'est détournée de Dieu pour servir des idoles. Peut-être tu vas dire, mais François, j'ai jamais eu d'idole. C'est peut-être toi l'idole. Et tu t'adores tellement que tu t'es servi de Dieu pour arriver à tes fins. Le repentance, c'est dit, j'arrête d'être un idolâtre et je me tourne vers Dieu pour le servir, pour lui, maintenant et à jamais. Je veux être son serviteur, sa servante, son esclave et l'adorer pour toujours. Parce qu'il est Dieu, il le mérite. Donc, aussi longtemps que l'invitation persiste, prends la décision. Ensuite, on voit ce que j'ai appelé l'admonition ou un avertissement sévère au verset 18 et 19. Il dit, je le déclare. C'est qui ce je? C'est Jésus. C'est le rejeton de David, c'est l'étoile du matin. Il dit, je le déclare que celui qui ajoute quelque chose à ce livre ou qui retire quelque chose de ce livre va être un damné. Va être un damné. Il n'y aura pas le droit à l'arbre de vie. Il n'y aura pas le droit à rentrer dans le Nouvel Jérusalem. Tu acceptes le livre au complet. Et tu y donnes ton cœur et ta vie, ton âme et ton esprit. Tu y donnes tout ton être. Tu acceptes tout. La révélation que Dieu donne de lui-même et qui donne de Jésus. Si tu n'acceptes pas tout, tu vas être retranché. Tu n'auras pas le droit à la rétribution de celui qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Un demi-Jésus, c'est pas Jésus. Un trois-quarts de Jésus, ce n'est pas Jésus. Tu acceptes Jésus tel qu'il est ou tu n'as pas Jésus. Tu acceptes le plan de Dieu tel qu'il est. J'entends tellement depuis quelques années qu'on veut présenter un Dieu bon, juste, amical, plein d'amour, plein de miséricorde, de compassion, qui veut aider l'humanité, qui veut faire du bien. Mais on ne veut pas présenter un Dieu sévère, un Dieu colérique, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu exigeant. On ne veut pas présenter un Dieu qui, dont on doit calmer la colère. C'est ce qu'on appelle, Jésus était un sacrifice d'expiation, un sacrifice de propitiation, rendre Dieu propice afin qu'il accepte le pécheur repentant. On ne veut pas ça. Mais pourtant, c'est la vérité. Accepte-le. Accepte son plan. Accepte qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. Il y en a gros qui veulent avoir juste un ciel. Ils veulent plus avoir d'enfer. Ah, Dieu est trop bon, il peut pas avoir le monde en enfer. Mais pourtant, la Bible le dit. Dans l'Apocalypse, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Donc, l'Apocalypse, quand on la comprend bien, elle nous pousse à la persévérance. Et elle va nous faire voir si on est dans l'erreur et va nous inviter à la repentance. Et celui qui persévère et celui qui se répand, tous deux vont adorer ce Dieu-là, adorer ce Jésus-là. Que le Seigneur puisse nous aider, frères et sœurs, à aimer le livre d'Apocalypse, à le lire régulièrement, à le prêcher. Oh, j'ai entendu dire dernièrement que à cause de ces vidéos, à cause de ce qu'on a fait ensemble depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui s'est finalement repenti, que moi je connais peut-être d'autres, mais moi j'en connais un qui s'est repenti et qui finalement a tombé sur sa face et a adoré Dieu. C'est donc merveilleux. C'est le but du livre. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions à jamais. Parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui es le commencement et la fin. Tout a été fait par toi, tout a été arrêté par toi, tout est là pour toi. Garde, Seigneur, tes enfants de se détourner de la vérité. Nous nous joignons à l'agneau. On se joint à l'épouse. Viens, Seigneur, viens bientôt. Viens bientôt. Mette une fin à cette folie, à cette idolâtrie, et que tu puisses être glorifié à jamais. Nous allons nous arrêter pour un moment. Il n'y aura pas de vidéo, au moins pour quelques semaines. Et je vais probablement préparer une série sur la repentance. Ensuite, on va s'arrêter pour l'été. Et on va préparer l'Épître aux Hébreux pour le mois de septembre. Donc, je vous revois dans quelques semaines. Ça va probablement à l'entour du 21 de mai. Dieu voulait. Si c'est pas ça, ça va peut-être le 28. Mais on va se voir. Venez de temps en temps voir la page d'ouverture de mon site hein, et vous allez voir le moment où on va commencer une série sur la repentance. Je crois que c'est important. Beaucoup de gens m'ont posé des questions depuis quelques mois là, sur le sujet. Donc, on va faire une étude là-dessus, ce sujet salutaire, parce que la repentance est aussi utile que la foi pour être sauvé. Donc, on se revoit dans quelques semaines.